par se yon kalfe mwen pa jom ka rakontel. Pa jom kon lot bagay salman la soufrans. Tout sa mwen ti pa bon, tout sa mwen fè pa jom bon. Lèm ta vle revolte, tout moun tombe sou ka. Sa se kwa pa, ma pe pote sou te ya. En verite, mwen pa kon sa mwen fè. Yo pa jom reme, me yo pa jom reme. Sa se kwa pa mwen rezine. Ça me fait pas jambon, même ta vle révolte, tout moun tombe sous l'eau. Ça c'est quoi pas, ma pe pote sous teya. En vérité, moi pas comme ça me fait. Yo pas jambon aimé, mais yo pas jambon aimé. Ça c'est quoi pas, moi résigné. Gardez.